Je suis l'Indien décoloré, j'ai les neurones à ras de la crête. Avec mon chien le fox terrier, on pogote sur toute la planète. Mon rock'n'roll c'est dans ta gueule, mon eau future c'est dans ton cul. Encore une crouille, j'ai des gueules, je suis une star, je n'en peux plus. Je suis le punk à temps partiel, on me surnomme le roi des cons. Je pisse du haut de mon gratte-ciel et j'emmerde la population. J'm'habille en cuir chez les cravoches, j'ai la banane sur la chevron. J'ai les sentiacs, j'ai l'air craignos, j'aime bien passer pour un gros con. J'ai rock'n'roll sur le trottoir, dans mon Lévis, j'ai une grosse bite. Je traîne avec deux, trois noirs, les gens m'appellent Johnny la frite. Je suis rocker à temps partiel, on me surnomme le roi des cons. Je pisse du haut de mon gratte-ciel et j'emmerde la population. J'arrive tout droit de la Jamaïque, je reggae-man dans ma fumée. J'ai le chilome atmosphérique, un peu casseur, souvent cassé. On me surnomme le Bob Mariol, j'aurais voulu être Bob Marley. Dans ma cité au Batignol, je fume le calumet de la paix. Je suis le Rasta à temps partiel, on me surnomme le roi des cons. Je pisse du haut de mon gratte-ciel et j'emmerde la population. Je suis la star de la cité, on vend mes fringues dans les boutiques. Pour moi ce qui compte c'est la monnaie, amène ta gueule, amène-toi au fric. Car je leur ai dit, nique le système avant de monter dans ma Jaguar. Ils m'ont crié de jouer en thème, je prends les chèques et les dollars. Je suis rappeur à temps partiel, on me surnomme le roi des cons. Je pisse du haut de mon gratte-ciel et j'emmerde la population. Dans mon quartier, j'ai pas d'amis, j'habite boulevard des Chats-Perchés. Je voudrais crever au fond de ma nuit avec mes frères tous les paumés. Je suis chanteur schizophrénique, les soirs de pluie, je balance mon rock. Mais je ne suis pas radiophonique, j'habite les bars, même les plus glauques. Je suis le ringard à temps partiel, on me surnomme le roi des cons. Je pisse du haut de mon gratte-ciel et j'emmerde la population.